En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. On va parler avec notre ami Marc Griffin. C'est la Ligue des Pamplemousses, c'est la Ligue des Cactus qui commence aujourd'hui. Juste une petite plug en passant. LMB Network va présenter 200 matchs de la Ligue des Cactus et de la Ligue des Pamplemousses. On va voir plusieurs fois les Blue Jays. On en parle avec Marc Griffin. Salut Marc! Salut Dan! Hey Marc, ça commence aujourd'hui, ça commence à sortir le baseball pas à peu près, hein? Ah, c'est le fun. C'est une belle période de l'année, ça veut dire que la neige va commencer à fondre, ça veut dire que on s'en va vers la belle saison. Ouais. Marc, on va commencer d'abord avec une triste nouvelle qui est arrivée la semaine passée. Ça faisait 2-3 semaines qu'on avait entendu parler qu'il était très malade et luttait pour sa vie. Ben, il a rendu l'âme samedi dernier. C'est Tony Fernandez, probablement... Écoute, est-ce que je me trompe? Il y en a qui ont dit Cal Ripken, et avec raison, là. Mais dans les années 80-90, t'avais Ozzie Smith et Tony Fernandez. C'est sûr, Ripken était bon, mais Fernandez, comme joueur d'arrêt court plus complet, là, c'était tout un joueur de balle, ça. Ben, c'est comme style. Il y avait un style très particulier, un style qui n'a pas été imité, je te dirais, par la suite. Il était vraiment un gars unique. Moi, j'ai eu l'immense privilège... d'aller prendre des roulants avec lui dans l'uniforme des Blue Jays lorsque les Blue Jays me courtisaient à l'époque. On m'avait demandé d'aller à Toronto à 2 ou 3 reprises pour aller prendre l'exercice au bâton. Puis à un moment donné, Jimmy Williams, qui était le gérant, il m'avait dit va prendre des roulants à l'arrêt-court. Mais moi, j'étais pas un joueur d'arrêt-court, j'étais un receveur, puis je tentais de voir si j'étais capable de jouer dans le champ. Puis là, il me dit va à l'arrêt-court. Fait que là, je le regarde, je dis ouais, mais c'est parce qu'il y a. Il y a un certain Tony Fernandez qui est là. C'est pas grave, va y prendre avec lui. Fait que là, je me retrouve. À côté du gars qui, écoute, c'était un aspirateur, je veux dire, la balle rentrait dans son gant et je veux dire, c'était tellement d'un naturel incroyable, d'une fluidité, sympathique au maximum, tu sais, il était venu me voir pis il me dit, écoute, c'était fun pis tu sais, on prend des roulants ensemble. Écoute, j'ai de très, très, très beaux souvenirs, mais son style est était spectaculaire. Je fais bien de le comparer un peu plus à Ozzie Smith, là, mais il avait quand même un style extrêmement particulier pis comme j'ai mentionné, on n'a pas revu ce type de joueur d'arrêt-court-là, vraiment, là, depuis ce temps-là. C'était la plus grosse transaction de l'histoire des Blue Jays avec celle de Roy Halladay. Roberto Alomar. Ouais, qui sont partis à San Diego pour Fred McGriff et Tony Fernandez. Est-ce que tu dirais que c'était la pièce manquante qui a emmené les Blue Jays vers la Série mondiale de 92-93? Ben oui. Roberto Alomar, Carter. Je veux dire, c'est effectivement, ce qui est plate dans tout ça, c'est que, tu sais, en tout cas, moi, à l'époque, j'étais dans le baseball, puis, tu sais, McGriff, c'est un gars des Blue Jays, Tony Fernandez, c'est un gars de Toronto, puis là, finalement, ben, c'est malheureux que ces gars-là n'ont pas pu, n'ont pas savouré nécessité. Je veux dire, ça a pris que Joe Carter, rappelle-toi ce fameux coup de circuit en 93 face aux Phillies, puis Roberto qui a été vraiment, cette bougie d'allumage de l'équipe, là, écoute, c'est une grande tristesse, un autre qui nous quitte beaucoup trop tôt en tournée. 57 ans, c'est trop... Même âge que Gary Carter. Écoute, quand tu regardes ça, c'est des gars comme Darren Dalton qui sont morts jeunes également, c'est incroyable. Marc, puisqu'il est question des Blue Jays, il y a un ancien joueur des Blue Jays, et ça, j'ai hâte de voir ce que tu en penses, c'est Jim Bolginger qui fait une poursuite contre les Astros de Houston. Tu parlais dans tes podcasts avec Alain Huzureau cet hiver, tout au long de l'hiver, le compte complet, là, tu disais qu'il allait avoir des dommages collatéraux. Penses-tu que c'est le premier de plusieurs joueurs qui vont poursuivre les Astros? Je pense entre autres à un gars comme Yu Darvish et Clayton Kershaw. Ben, les autres vont attendre ce procès-là, puis ça va faire jurisprudence? Exactement. C'est exactement ce qui se produit présentement. Puis tu sais, je veux dire, je sais pas à quel point il a un dossier fort, parce que tu sais, bon, il arrivait quand même avec une moyenne de premier prix. Ben, ça va être dur à prouver, effectivement, mais ça fait partie, ben, tu l'as dit, ça fait partie des dommages collatéraux. C'est un gars qui a jamais pu relancer un match dans le baseball majeur après s'être fait massacrer par les Astros de Houston. Écoute, Puis ça, c'est un joueur, là, mais je suis convaincu qu'il y en a pas mal de joueurs qui pensent un peu la même chose. Écoute, moi, là, même Mike Trout en a parlé cette semaine en disant, écoute, ça a affecté tellement de joueurs, on sait pas à quel point l'argent perdu en arbitrage. Tu sais, mettons, toi, t'as un dossier là, qui est vraiment super intéressant, mais tu t'es fait malmener par les Astros, ce qui fait que ta moyenne générale est ordinaire, ou tu comprends ce que je veux dire? Puis là, ben, tu t'en vas en arbitrage avec ça, puis tu fais comme, ben, écoute, j'ai pas, je comprends, je gagnerai pas, ou j'aurai pas le salaire que je voudrais. Bon. Fait que, tu sais, ça finit par être très lourd, cette affaire-là. Puis quand le meilleur joueur au monde, hein, Mike Trout, qui part pas beaucoup, qui dit hey, la pénalité est pas, t'sais, pas très sévère et que je manque un peu de respect maintenant pour les joueurs. T'sais, ça veut dire beaucoup, là. Je pense que vraiment le commissaire a drôlement agi dans ce dossier-là, étant donné que tu as vu depuis le début des camps d'entraînement, lorsque chaque joueur important se présente, on commente la situation, puis c'est unanime, là. C'est carrément unanime. On trouve que la pénalité est pas assez sévère. Puis il y a c'est de valeur parce qu'il y a comme un manque de respect là, qui se crée entre les joueurs. Puis c'est archi mauvais pour le sport. Comment ils vont être perçus sur cette saison quand ils vont aller dans les villes? J'ai l'impression qu'on j'ai l'impression que va falloir que ça soit fait fort. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont allés chez Dusty Baker, un vieux de la vieille, là, pour ramener ça. Là. Mais t'as raison. Moi, j'ai mentionné que ça va être dur pour les Astros. Ouais. On a beau avoir tout le talent au monde. Ça va être lourd. Ça va être à tous les jours, à toutes les villes qu'on va visiter. On va être questionné là-dessus. Les spectateurs, de toute évidence, ça va être très ironique. Là, on va amener des poubelles, ça va claquer sur les bancs, ça va faire du bruit, c'est pas bon. Puis j'aurais vraiment souhaité que, évidemment, moi je me souviendrai toujours, j'avais dit à Alain Huzereau, justement, mon collègue, que la pénalité est vraiment pas assez sévère. Aussitôt qu'il était sorti, je me dis, il me semble que c'est... Puis effectivement, même en creusant plus loin, on s'aperçoit que c'était épouvantable. Puis à la limite, ça serait le fun que ça vienne des joueurs eux-mêmes, tu sais. Ouais. Puis malheureusement, ça arrivera jamais, là, mais tu sais, je parle des joueurs des Astros. Imagine-toi si les joueurs des Astros, écoutez, regardez, là... on va vendre nos bagues de série mondiale. Je sais pas. On va faire question, on va ramasser de l'argent pour. Ça arrivera pas. Mais il aurait fallu qu'il y ait quelque chose juste pour amoindrir un peu. Et là, le commissaire qui dit ben là, si on voit que vous lancez de façon intentionnelle aux Astros, il pourrait avoir des conséquences. Ouais. Il va en avoir, c'est sûr. C'est sûr qu'il va en avoir. Moi, je connais la mentalité. Il y en a toujours un ou deux par équipe qui va dire hey, les autres, là. Alors, tu sais, ça va être un été bien tough, selon moi, pour les Astros. Puis un gars comme Altuve, tu sais, Carlos Correa, ou peu importe, qui connaît une moins bonne saison, mettons, il va se faire dire, ben, c'est sûr, vous avez pas, vous ne voulez pas signer, c'est tout ça, là. Écoute, ça va. Et puis, tu sais, je veux dire, la Série mondiale 2017, tu sais, on parle de l'époque de stéroïdes, mais là, à cette heure, la Série 2017, tu sais, à l'époque des stéroïdes, c'était des records personnels. Ouais. C'était des Barry Bonds, puis des gars comme ça. Mais là, soudainement, là, c'est une affaire d'équipe. Alors là, la Série mondiale 2017, à chaque fois que tu vas parler de ça dans les prochaines années, on dit, mais là, c'est pas vrai. Alors, tu veux pas faire partie de l'édition 2017 des Astros de Houston, puis c'est malheureux. C'est sûr que juste ça, c'est une pénalité qui est relativement sévère. Puis là, tu vas faire quoi dans les joueurs étoiles, justement, comme Altuve puis Bregman, lorsque ça... Tu sais, moi, je trouve que c'est extrêmement malheureux ce qui est arrivé. Puis ça va être une tâche, même cette année, là, ça va traîner un bon bout de temps, cette affaire. Ouais, effectivement. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec avec ça. Ça va être dur à prouver, comme je te disais, mais ça va être intéressant quand même à suivre. Dossier du retour du baseball à Montréal. T'as entendu ce que Régent Tremblay a mentionné, a rencontré Steven Brofman. Hier, j'ai parlé avec Frédéric Degg également, qui a écrit un très bon article dans la plupart des médias. Comment t'as vu ça, toi? Moi, en tout cas, écoute, ma position est la même. Moi, j'ai l'impression qu'on, à quelque part, Marc, mec va venir le temps de c'est bien beau tout ça, mais mec va venir le temps de présenter leur projet à Tampa Bay. Ils n'ont jamais été capables de construire un stade pour une équipe à temps plein. Ça fait 10 ans qu'ils essayent. Imagine-toi, pour une équipe à temps partiel, pourquoi qu'ils construiraient une équipe à temps partiel? Bon, écoute, tu sais, les autres, leur carte, c'est de dire, ça va être ça ou rien. Ça va être ça ou l'équipe déménage. On joue le tout pour le tout, là, c'est clair. C'est assez évident. Écoute, les autres, ils y croient. Une chose, par exemple, faut faire attention, c'est que c'est une organisation qui a été extrêmement créative sur le terrain, dans leur gestion baseball. Donc, c'est pas une équipe qui avait passé la parade là, pendant des années. Donc, c'est une équipe très active. Alors, pour ça, je me dis, ils peuvent arriver avec des solutions, tu sais, dans le marché de Tampa Bay. Mais on est tous sceptiques de ça, tu sais. Alors, c'est ça qui m'agace un peu dans ce dossier-là. C'est qu'arriver, moi, avec quelque chose qui va faire en sorte que je vais y croire qu'un stade peut se construire là-bas, puis que je vais y croire que ça peut, le système de deux villes pour une équipe peut fonctionner. J'aimerais ça y croire, ça va me prendre pas mal plus de détails. Ça va me prendre pas mal plus d'éléments. J'aime par contre l'enthousiasme qu'on a derrière, mais l'enthousiasme peut nous amener jusqu'à un certain point, tu sais. Par exemple, tu sais, on dit que les autres propriétaires disent aller de l'avant, c'est le fun, puis c'est vrai que quand tu regardes ça un peu de façon, tu sais, de reculer, tu te dis bon, on sait qu'il n'y a pas seulement le baseball qui surveille ça, tous les marchés, que ce soit du hockey, du basket, même du football, qui disent écoute, ça peut ouvrir des portes à un nouveau marché, ça peut être extraordinaire. Donc, tout le monde suit ça de près. Là. C'est pas une affaire seulement au baseball présentement. Mais ça reste que c'est une situation où la plupart des gens sont sceptiques. Alors, si les propriétaires sont si excités de voir ça, il serait peut-être temps à un moment donné qu'on partage tout ça pour commencer à créer un peu d'excitation au niveau des partisans. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui sont curieux et qui aimeraient en savoir plus. Mais je te dirais que majoritairement, les gens sont encore sceptiques de savoir comment tout ça peut vraiment, de façon réaliste, fonctionner. Et aussi, Marc, il y a des gens qui veulent tellement le retour des expos. Pas moi, entre autres. Là. Moi, je veux une équipe. Moi, c'est ma position. Une équipe à temps plein ou pas du tout. Là, Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que, tu sais, je veux dire, on n'en a pas d'équipe depuis 2004. Tu regardes l'expansion, on en parle même pas dans le baseball. On est-tu prêt à attendre en encore 20-25 ans? C'est ça que Frédéric Degg a dit. Puis ça, je veux t'entendre là-dessus, Marc. Frédéric Degg, c'est une théorie. Ça se pourrait-tu quelque part qu'il s'est fait dire par le baseball majeur que l'expansion, c'est pas tout de suite, c'est dans 10-12 ans, puis ils sont tannés d'attendre? Ah, ben absolument. Absolument. Parce que, écoute, lorsque même un peu des rentrées en poste, ça fait déjà quelques années, là, et il disait que c'est un de ses projets, c'était d'aller de l'avant avec l'expansion. Alors, c'est ça qui avait excité beaucoup les gens ici, à Montréal. Mais là, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas officiellement encore réglé les dossiers. Même si Oakland, ça avance, ça semble avancer, puis là, le dossier de Tampa, ça se peut fort bien là, que l'expansion n'est pas pour tout de suite. Alors, faut régler des choses maintenant. Puis, alors là, quelle est la patience qu'on peut avoir? Alors, moi, comme amateur de baseball, parce que je suis un amateur en premier, c'est sûr que si tu me dis pas l'équipe pantoute ou 40 matchs, ou évidemment la télévision aujourd'hui permet de voir tous les matchs, c'est pas comme à l'époque. Oui, un sentiment d'appartenance qui va être un petit peu plus difficile au départ, mais moi, de voir 40 matchs, puis de voir les Yankees, puis les Blue Jays, puis les Red Sox venir en ville, écoute, moi j'achète ça, là, c'est comme partisan de baseball, mais je comprends les gens qui disent, tu sais, je veux un attachement précis qui représente ma ville. Ça peut être une vente un peu plus difficile. OK. Marc, merci beaucoup. Bon voyage, bon séjour en Alberta. Tu reviens au Québec quand? Oh, écoute, en fin de semaine. En fin de semaine, là, je suis venu voir Fiston. OK, bon, on s'en reparle bientôt. Collaborateur Marc. OK, salut.